Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue à FrenchPod. Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous avons une leçon média avancée, Christella. Et oui, aujourd'hui, on a un sujet très intéressant, la Française des Jeux. On va commencer par expliquer ce qu'est la Française des Jeux. En deux mots, c'est une entreprise publique française qui a le monopole de tous les jeux de loterie en France. Ah, par exemple, si je veux jouer au loto, ouais. Le ticket que je vais acheter, ça va être un ticket qui vient de la Française des Jeux, c'est ça? Exactement, ce sera la Française des Jeux qui aura émis le ticket. Et si jamais tu gagnes... C'est la Française des Jeux qui va me donner de l'argent? Exactement, oui. Donc il y a énormément de jeux différents proposés par la Française des Jeux, mais généralement on peut les classer en trois grands types. La loterie, tout simplement. Ouais. Donc il y a le loto, Euromillion, le Keno. Ce qu'on appelle les jeux de tirage, ouais. Et puis il y a les jeux de grattage. Donc là on a un petit ticket. On gratte tout simplement. Ouais. Et on découvre immédiatement si on a gagné de l'argent ou pas. Et le dernier, ce sont les jeux de pronostic. Là, on prévoit un score, on prévoit un résultat. Et en fonction, si on a bon, si le résultat est correct, eh bien, on touchera l'argent si notre pronostic est bon. D'accord. Donc, par exemple, on peut parier sur les matchs de foot, c'est ça? C'est ça, oui. Le jeu, il s'appelle le Lotofoot. Oui. Pas que je vais vous encourager à jouer, mais je vous précise pour que vous sachiez. D'accord, parce que on va en parler un peu plus tard, mais c'est marrant, moi je jouais. Tu jouais l'autofoot? Ah, aux trois catégories, moi je faisais et le grattage, et le tirage, et les jeux de pronostic. Ah, tu mettais toutes les chances de ton côté alors? Si on veut, ouais. Tu essayais au surtout, moins. J'ai mis toutes les chances de perdre de l'argent de mon côté. Alors c'est une entreprise quand même colossale en France. Et oui, puisque le capital de la Française des Jeux s'élève à 76 milliards d'euros. D'euros, hein, pas de francs. Et oui, d'euros. On parle bien d'euros, on a changé, enfin, ça fait un bout de temps, mais parce que le chiffre est tellement énorme. C'est vraiment impressionnant. Et ce capital d'ailleurs est détenu à 72% par l'État. Donc si vous pariez ou vous jouez et que vous perdez, vous savez où votre argent va aller. Bon, trêve de plaisanterie, pourquoi est-ce qu'on parle de la Française des Jeux aujourd'hui? Parce qu'on est tombé sur un article digne d'intérêt qui provient du quotidien Le Monde, dont on a déjà parlé dans une leçon Avance Média précédente. Pour rappel, ce quotidien est un des principaux quotidiens français. Tout à fait. Il est publié en début d'après-midi et non pas le matin, comme les autres. Voilà, et c'est l'un des quotidiens les plus populaires en France. Et politiquement, il se situe au centre. Centre-gauche. Centre-gauche. Et donc cet article, il dit que la justice a donné raison à l'homme qui a accusé la Française des Jeux de tricherie. Monsieur Robert Riblet, qu'est-ce qu'il a fait? Très simple, il a dénoncé le manque d'intégrité des jeux de grattage en France. Donc il a dénoncé les jeux de grattage en particulier. Ouais. Et donc selon les dires de Monsieur Riblet, il semblerait que sur chaque carnet de tickets d'une valeur de 150 euros, il y ait environ 50 euros de lot gagnant en fait. Ouais. Et donc une fois que les 50 euros ont été remportés, il semblerait qu'il n'y ait plus de tickets gagnants dans le reste du carnet. Voilà, et évidemment c'est ce qui a déplu à Monsieur Riblet, qui a dénoncé cette escroquerie quelque part. Donc ce que Monsieur Riblet dénonce, c'est le fait que les jeux de grattage de la Française des Jeux ne sont apparemment pas des jeux de hasard, comme ça devrait être le cas. Et c'est pour ça que ça s'appelle ici un procès en diffamation. Puisque évidemment, la Française des Jeux, elle a immédiatement réagi, et elle a accusé Monsieur Riblet de la diffamer, c'est-à-dire de chercher à lui porter atteinte, à porter atteinte à sa réputation par ses propos. Ouais. Mais la justice a tranché, il a été relaxé, il a été remis en liberté, les charges contre lui ont été abandonnées. La justice lui a donné raison et lui a accordé le bénéfice de bonne foi. La justice a délibéré et a trouvé que, sans doute, Monsieur Riblet faisait preuve de bonne foi, de sincérité. Donc son but n'était pas forcément de nuire à l'image de la Française des Jeux. Voilà, tout à fait. Il voulait sans doute juste se montrer sincère et tout simplement dénoncer quelque chose qu'il trouvait injuste. Exactement. Et alors quand même, il y a des choses un peu choquantes dans cet article. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais dans le premier paragraphe, quand à un moment on nous dit que la Française des Jeux lui aurait proposé 450 000 euros... Pour acheter son silence. Eh oui, c'est incroyable. Donc pour qu'il se taise, pour qu'il ne dénonce pas, pour qu'il ne parle pas de sa trouvaille. Et donc lui ne s'est pas laissé tenter par l'argent. Si cette histoire est vraie, là, si on lui a vraiment proposé 450 000 euros... C'est quand même une preuve de bonne foi. Tout à fait. Camori, je sais que tu aurais accepté. Attends, Christella, 450 000 euros... C'est pas rien, hein. Plus la peine de jouer au loto, là. C'est ça pour te faire traîner en justice, après. Mais heureusement, il a gagné son procès. Non, mais c'est vrai. En tout cas, que ce soit vrai ou faux, ça fait quand même plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont prêts, en fait, lorsqu'ils font ce genre de découverte, à les partager au public de manière tout à fait désintéressée. Ouais. Et comme ça, ça nous permet à nous d'ouvrir les yeux sur certaines réalités. Et par exemple, sur cette réalité-là, peut-être que les jeux de la Française des Jeux n'ont rien d'aléatoire, c'est-à-dire ne sont pas dus au hasard. Rien d'aléatoire, je sais pas, mais peut-être pas aussi aléatoire que ce qui... Voilà. que ce qu'ils prétendent. Exactement. Mais il faut bien voir ici dans l'article que ce monsieur Riblet a tout juste été relaxé, donc il a été remis en liberté concernant les accusations que la Française des Jeux avait émises à son encontre par rapport à des propos qu'il avait tenus. Mais sinon, lui-même, rien ne prouve encore concrètement, enfin ça va être très difficile à mon avis de pouvoir le prouver, que ce qu'il avance est vrai. Il n'y a rien qui a été prouvé encore pour l'instant. À mon avis, il y a de grandes chances que rien ne soit prouvé de toute façon dans le futur, parce que je pense qu'il y a beaucoup trop d'acteurs importants en jeu, ouais. Notamment notre cher État français. Donc il y a de grandes chances qu'on ne connaisse jamais l'issue véritable de cette histoire. En tout cas, ça ne change rien. Il y a toujours des millions de joueurs en France. C'est ça. Je pense qu'il y en aura toujours. Ça génère énormément d'argent. Et puis il y a énormément de gens qui sont impliqués, rien que par le nombre de joueurs. Le nombre de buralistes. Enfin, les buralistes, c'est des gens propriétaires d'un bureau de tabac, donc d'un magasin où, au départ, on vend des produits dérivés du tabac, mais qui proposent également les jeux de tirage, les jeux de grattage, donc les jeux de la Française des Jeux. Je ne pense pas que la Française des Jeux fera faillite un jour, parce qu'il y aura toujours des joueurs, toujours des passionnés, toujours des gens qui croient au hasard et qui souhaitent que la chance leur tombe dessus, qui espèrent qu'un jour, ils gagneront le gros lot. Bien sûr, mais c'est tout à fait normal, ma chère. Alors, ton expérience dans le domaine, Amaury, est-ce que tu as beaucoup joué aux jeux de hasard? Est-ce que tu aimes jouer aux jeux de hasard? Est-ce que... Disons, on peut le dire, j'ai quand même joué, même j'ai joué trop. Tu as trop joué? Ouais, quand même, parce que je me souviens quand j'étais étudiant... Sur un budget, on va dire, de 50 euros par semaine, oui. Vous pouvez dépenser peut-être le quart de tout ce que j'avais pour ma semaine en jouant à des jeux. Et je te dis, moi, je jouais aux trois, les jeux de tirage, les jeux de grattage, les jeux de pronostic. Ah bon, t'as tout fait, quoi. S'il y avait une quatrième catégorie, j'aurais joué à la quatrième. Bah, tu sais, moi aussi, ça m'est arrivé de jouer à des jeux de grattage. Ouais. Je vais avoir 15 ans. À l'époque, on utilisait des francs. Et j'avais... C'était un jeu de grattage, c'était le millionnaire, je crois. Et j'avais joué pour 10 francs. Et j'étais toute contente. Je suis arrivée avec mes 10 francs au bureau de tabac. Bonjour, un millionnaire, s'il vous plaît. Ouais. Puis j'ai créé un millionnaire et j'ai vraiment créé ma chance. Je me suis dit, ça se trouve, je vais gratter et je vais avoir peut-être 500 francs et je vais être super contente. Et j'ai gratté, j'ai rien eu. Et je me suis dit, j'ai perdu 10 francs, j'aurais pu acheter des bonbons. Pour être honnête, j'ai rejoué plusieurs fois à ce jeu-là, toujours justement, ouais. et j'ai jamais gagné. Non, mais jouer une fois de temps en temps, finalement, c'est vrai qu'il n'y a rien de mal. On a le droit de se dire, bon, bah, j'aimerais bien me faciliter la vie. Voilà, peut-être que la chance va me sourire et que je vais tomber sur le gros lot, je ne sais pas. Ouais. En plus, quand on gagne un gros lot, quand on gagne de l'argent, il n'y a pas d'impôt en France. Ah, ça, c'est quelque chose d'intéressant à savoir. Donc voilà, si on gagne 1 million d'euros, il y aura 1 million pour toi. C'est pas imposable. Non. Excellent. Mm-hmm. Faut les gagner, quoi. C'est ça. Bon, voilà. C'est ça le problème. Le plus dur, c'est les gagner, ouais. Quoi. Et donc, comme je disais précédemment, le fait de jouer peut-être de temps en temps n'est pas trop grave. Le problème, c'est qu'il y a vraiment des accros. Il y a des gens qui ont des problèmes. Des problèmes de dépendance au jeu, tout simplement. Exactement, ouais. Et qui n'arrivent plus à s'arrêter, qui risquent d'ailleurs de tout perdre, c'est-à-dire de perdre leur appartement, leur voiture, à cause de leur dette de jeu. Et c'est là où ça devient vraiment effrayant, quoi. Ouais. D'ailleurs, lorsqu'on va sur le site internet de la Française des Jeux, il y a même une petite section... qui s'appelle « Le jeu responsable ». Oui. Qui essaie de mettre en garde les joueurs de la Française des Jeux face à cette addiction, face à cette dépendance au jeu, dans laquelle ils risquent de tomber s'ils jouent trop ou s'ils jouent de manière incontrôlée, non maîtrisée. Et il y a quelque chose que j'ai même trouvé très intéressant, c'est qu'il y a, même un quiz sur le site justement de la Française des Jeux. Un quiz qui s'appelle « Savez-vous résister à l'envie de jouer ?» Bon, on va dire la vérité, on n'a pas trouvé ce quiz vraiment pertinent. Oui, voilà, c'est juste pour faire une évaluation assez sommaire de votre attitude par rapport au jeu. Oui, mais bon, on mettra le lien quand même sur la page de discussion. En tout cas, si vous êtes des accros au jeu, sachez qu'il existe un numéro de téléphone en France. Alors ça, j'étais vraiment surprise de l'apprendre. Un numéro de téléphone pour venir en aide aux joueurs accros. C'est le numéro de téléphone d'une association indépendante qui s'appelle SOS Joueurs. Je dois quand même vous raconter cette anecdote, parce que moi, je savais qu'il y avait un numéro SOS Joueurs pour les gens qui ont des problèmes de dépendance par rapport au jeu, et Christella a pensé que c'était parce que j'avais déjà téléphoné. Ce qui n'est pas le cas, Christella, je le répète. C'est vrai, promets à mourir. Je n'étais pas trop accro. Si vous aussi vous avez déjà joué à des jeux de grattage, au loto ou aux jeux de pronostics, n'hésitez pas à venir nous parler de votre expérience sur le site frenchpod.com. Voilà, et donc si vous êtes comme moi, si vous aimez jouer, eh bien conseil d'amis et entre joueurs, jouez modérément. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver sur la page de discussion le lien menant vers l'article du Monde dont on a parlé aujourd'hui. En attendant de lire vos commentaires, on vous dit à bientôt pour la prochaine leçon Médias avancés. Salut! Salut tout le monde!